Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir Stéphane Schmucker. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors je suis très honorée, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler du livre, le premier roman de Stéphane qui s'appelle L'ombre du funambule, édité aux éditions des nouveaux auteurs, mais surtout qui a reçu le coup de cœur du jury du prix du suspense psychologique 2021. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec grand plaisir. Et d'être venu dans les studios de Fadjet. Alors, on va décomposer un petit peu l'organisation de cette émission. Il y aura 5 questions qui te seront consacrées entièrement, avec des coupures musicales de ton choix. Comme ça aussi, ça nous donnera un petit peu un aperçu de ta personnalité. Et puis, on fera le caprice de la semaine, donc une lecture qui a été appréciée, un coup de cœur. Pourquoi ? Comment ? Stéphane, est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis alors, prêt. On y va. Première question. Donc, tu es, si mes renseignements sont bons, tu es enseignant en génie biologique. Oui. Ok. En lycée ? En lycée et en BTS. Ouais. Ok. Et Joachim, qui est donc ton personnage principal, parle beaucoup de biologie et baigne un petit peu dans cette... Alors, pour moi, c'est très, très scientifique. Je suis une littéraire née. Est-ce que Joachim a un petit peu une part de toi ou est-ce que... Comment... Voilà. Alors, la réponse est non et oui. Ok. Merci d'être venu. Non, la réponse est non parce que voilà, le roman, c'est une fiction. C'est un personnage, entre guillemets, de fiction. Ok. Mais je dois être honnête et quand même dire qu'effectivement, pour écrire ce premier roman, je me suis inspiré d'endroits que je connais, de lieux que je connais, de villes que je connais et d'univers que je connais, et ayant été anciennement chercheur en biologie et enseignant en biologie, effectivement, ça, je me suis un peu inspiré de cet univers scientifique pour... Ça t'a permis de construire ton intrigue dans des lieux connus, du coup ? Oui, un petit peu, c'était un peu l'idée, c'est aussi les romans que j'aime lire, j'aime des romans où de temps en temps on se dit, tiens, ça c'est du réel, donc j'arrive à me... Qui nous ramène les pieds sur terre aussi. Voilà, à s'immerger dans l'histoire éventuellement. Ok. Alors, comment s'est passée l'aventure avec les éditions des nouveaux auteurs ? Eh ben, au final, très bien, hein, puisque, puisque le livre est là. Mais non, alors c'est une maison d'édition qui a un fonctionnement un peu différent des maisons d'édition habituelles, puisqu'on soumet son manuscrit. Et d'abord, ce sont des lecteurs indépendants qui s'inscrivent sur le site et qui jugent le livre. Oui. Et là où c'est particulièrement intéressant pour l'auteur, c'est que c'est tous les gens qui lisent le livre remplissent une fiche de lecture. Oui. Fiche de lecture qui est envoyée à l'auteur. Et une fiche qui est extrêmement complète. En fonction des lecteurs, mais oui, certains... Oui. Certains avec des critères de sélection qui sont, quand on veut vraiment bien le faire, on s'y attache, on lit le truc jusqu'au bout et on remplit tout parce qu'il y a des questions, si tu me permets, sur la syntaxe grammaticale, sur l'orthographe, mais pas que, sur l'intrigue, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on aurait aimé, est-ce qu'on est prêt à retravailler avec l'auteur, etc. Et je trouve que pour des jeunes auteurs, donc... premier roman, quand je dis jeunes auteurs, c'est très intéressant. Ah, c'est fabuleux, parce que moi, par exemple, ça a transformé mon livre, parce qu'après la première soumission, j'ai eu ces retours de lecteurs. Ok. J'ai eu les contacts de ces lecteurs, donc j'en ai contacté certains qui sont restés, on est toujours en contact d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Mais tu avais été très bien noté sur le site, tu avais une bonne note. Alors, il y en a qui sont bien mieux notés que moi. Ouais, tu avais une très bonne note, voilà, à la base. Et c'est vrai que les retours ont permis de peaufiner le livre, ont permis de l'améliorer. Et c'est grâce, en fait, à cette interaction avec certains lecteurs que mon livre a pris forme, on va dire, pour sa deuxième mouture. Et la deuxième mouture, visiblement, a porté ses fruits. Oui, c'est chouette. Moi, je trouve que c'est une belle aventure humaine, mais aussi littéraire. Et puis, un début de carrière d'écrivain prometteuse, du coup. Alors, oui, alors c'est pas mon ambition première. Ouais. Moi, mon but n'est pas de devenir un très grand écrivain réputé. Mais voilà, j'aime créer des choses, j'aime écrire des choses. Et c'est sûr que quand on arrive à les mener à terme, ça donne un sentiment Ouais, de joie, on peut dire, voilà, ouais. De joie, et ça donne envie d'en... Une espèce de reconnaissance et de consécration aussi, c'est ouais. Chouette. Ouais, j'utilise souvent le mot de légitimité. Moi, je pensais ne pas être légitime pour publier mon livre, ah et bon le fait qu'il y ait quelques personnes qui m'aient dit que peut-être ça valait le coup, ouais, ça C'est bizarre que tu parles de légitimité, parce que en quoi tu serais moins légitime, tu vois? Parce que j'ai pas de parcours littéraire. J'ai pas de prédisposition spéciale, ouais. J'ai juste écrit, voilà, on va dire avec sincérité. Ouais. Et ben, ça marche du coup. Ben, ça a marché chez certains, voilà. Et heureusement, il y a des gens à qui ça plaît pas. Ouais, non, mais je trouve que ça marche parce que c'est bien, des fois, de pas être dans le sérail de tout ça, justement. Des fois, c'est bien. Ouais. Ça voilà. Casse les codes aussi. Ben. Tu vois, enfin, moi, super. Je trouve. Hein. Et ben, c'est. Voilà, alors c'est très bon. Bien. On va se quitter quelques instants pour une coupure musicale et on revient juste après. Je me suis jeté dans la parade au milieu des cuivres et des tambours d'ici. Au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval. J'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde. Et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Ma plus fidèle des compagnes, ma cavalière d'honneur est entrée dans la danse. Où que j'aille, quoi que je fasse, elle sera toujours là pour moi. Je ne sais peut-être même plus pourquoi. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde. Et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Des tambours d'ici, au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belles. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belle. Ici la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belle. Ici la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belle. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours avec Stéphane Schmucker pour son livre « L'ombre du funambule » édité aux éditions des Nouveaux Auteurs. Stéphane, comment ça va ? Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Voilà. Ouais, super, ça me fait plaisir. Alors on va attaquer cette deuxième partie d'émission avec la troisième question. Alors votre roman est construit de manière un petit peu au départ déroutante, au début, et après on s'y met très vite, c'est-à-dire que c'est une espèce de roman choral, chaque personnage... parle, chaque personnage principal parle ou alors on a l'évocation de ce qu'il ressent. Mais surtout, moi, je trouvais ça un peu anti-chronologique. Et on fait en plus des bonds dans le temps avec chaque personnage. Donc sur les, on va dire, les 40 premières pages, ça surprend. J'ai même fait un petit peu des fois des retours arrière parce que je ne savais plus. Après, on s'y met tout de suite. Ça s'enchaîne très, très vite. C'est très bien fait. Est-ce que vous aviez envisagé la construction de votre roman comme ça déjà ou pas? Ou est-ce que c'est venu après relecture? Oui, dans le sens où j'avais, disons, il est basé sur, on va dire, des quiproquos au départ dans les idées. Oui. Et il y avait besoin pour ces quelques mystères distillés qu'en fait les différentes parties du livre soient fractionnées pour ouais. pouvoir en fait amener, on va dire, petit à petit, les éléments du récit au moment où, entre guillemets, on en avait besoin pour garder un côté, on va dire, suspense. Donc, on va dire, la structure, elle a très peu évolué. Elle a été, okay. dès le premier jet, elle a été dans elle cette forme-là. Elle était pensée comme ça. Voilà. D'accord. Alors, pour être honnête, quand je l'ai écrit, j'ai écrit d'abord les parties en quasi-intégralité d'un trait et je les ai fractionnées ensuite... pour que les... Donc quand vous dites les parties, c'est par personnage et après vous avez coupé. En gros, oui, parce qu'il y a, trois, il y a trois périodes de vie. Oui. Il y a le présent, il y a 10 ans avant et... Et il y a maintenant. Voilà, il y a trois périodes. Ouais. Et ces trois périodes ont été écrites d'une traite et ensuite fragmentées et distillées en fait les okay. unes après les alors autres. Ok, alors ça du coup c'est assez... c'est surprenant, mais un roman choral, bon ok, on sait, puisque à la fin souvent on... Voilà, on sait que c'est pour nous amener à quelque chose de commun, un destin commun, très souvent, par exemple. Mais là, j'ai à la fois un roman choral et un roman, j'appelle ça anti-chronologique, c'est-à-dire qu'on a plus des dates précises. On n'est pas, par exemple, autour des années 2000, on a vraiment... Donc on se dit, mais la date, le personnage et son placement dans le temps a son importance. Mais à quel moment je vais le découvrir? Et en fait, c'est ça aussi, au-delà de l'intrigue, ça fait partie du suspense général, moi, je trouve. Ouais, ça a été pensé comme ça. Alors après, le côté date très précis, on dit que ça vient de mon côté scientifique. Voilà. Voilà. Bah voilà. On me dit ça. Ça y est. Alors, quatrième question. Vous semez beaucoup d'indices en Alsace. Oui. Voilà, on est basé en Alsace, oui. Qui est une région d'ailleurs fabuleuse. Des indices géographiques, mais aussi des indices historiques. Est-ce que les lieux que vous citez, vous y avez répondu un petit peu tout à l'heure, sont très importants, voire cruciaux, pour le déroulé de l'intrigue? Bon, je pense que oui, mais surtout pour vous. Parce que tout à l'heure, vous en parliez un peu comme des points d'achoppement, en fait. J'ai besoin de connaître les endroits où je place mes personnages. Mais là, quand même, vous êtes alsacien. Alors, je vis en Alsace depuis voilà. 15 ans. Je okay. suis d'origine mosellane. J'ai fait toute ma jeunesse en Moselle. Okay. Et voilà, ça fait 15 ans que je suis en Alsace. Donc, effectivement, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai commencé à l'écrire dans le contexte dans lequel je vivais. Okay. Après, les lieux... Oui, ils ont une signification parce que je voulais du concret, mais pour être très honnête, ils n'ont pas de gros rapport avec l'histoire, dans le sens ouais. où voilà, c'est pas un roman, s'il ne s'était pas passé en Alsace, n'aurait pas pu avoir lieu. Ouais. Voilà, donc il y a ça, mais après, moi j'ai une vision là-dessus, c'est que bon, en Alsace, il y a les lieux, et puis il y a aussi comment sont les gens. Et je me suis une fois posé la question si cette histoire aurait pu avoir lieu dans d'autres régions où les gens ont un comportement un petit peu différent. Ou des une autre mentalité, ouais, ou des habitudes de différentes. Vie. Ouais. Okay. Et là, pour le coup, je pense que c'est une histoire qui a pu se passer en Alsace parce que ça s'intègre bien dans les habitudes locales. Ok, donc vous êtes quand même très influencé par le contexte de vie quotidien peut-être. Oui, oui, et puis c'est ce que j'aime lire. Alors après, pour être tout à fait, moi j'aime bien lire les romans où on part à l'autre bout du monde, ouais. ou des choses comme ça. Mais j'aime aussi pouvoir de temps en temps me raccrocher à un élément concret. C'est un peu comme les vacances. Il faut rentrer pour mieux repartir. C'est exactement ça. Et en fait, là, c'est exactement ça dans votre roman. Et si vous deviez écrire un autre roman, toujours dans le suspense, est-ce que vous le mettriez toujours en Alsace justement pour les raisons que vous évoquez? Ou est-ce que, au contraire, vous vous diriez, allez, banco, je le place ailleurs? Je ne sais pas. Si c'était pour un deuxième, je pense que je choisirais probablement de continuer dans cette optique-là parce que ça m'aide dans l'écriture, ça m'aide ouais. à me projeter, ça m'aide à faire vivre mes personnages, on va dire, okay. dans les lieux. Mais on ne sait jamais. Peut-être s'il y en a un troisième, là, ouais. j'aurais l'envie de partir très et loin. Comme d'ici. Vous connaissez les lieux, du coup, ça vous permet vraiment, je pense, hein, c'est un avis très personnel, ça vous permet de vous concentrer sur les personnages en eux-mêmes. Oui, et ça me permet de les voir évoluer, en fait. Ah parce ouais. que moi, j'écris dans ma tête, en fait, il se passe un petit film. Voilà, ok, vous écrivez un film. J'écris un film, j'écris ce qui se passe dans ma tête, oui, voilà. D'accord, c'est intéressant. On fait une deuxième coupure musicale et on revient juste après. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie de Stéphane Schmucker pour son roman L'ombre du funambule. Alors Stéphane, dernière question, ce prix, cette édition, ce succès, parce que je suis certaine que c'est un succès, t'a-t-il donné envie d'écrire un autre roman ou est-ce que tu avais déjà autre chose un petit peu, comme on dit, dans tes tiroirs que t'as envie de faire évoluer? Alors, dans les tiroirs, je n'ai rien, rien, alors j'ai qu'un début, parce que, oui, effectivement, alors, j'avais besoin, en fait, comme je l'ai dit, l'histoire de la légitimité au début, j'avais besoin, en fait, que quelqu'un me dise que le premier que j'avais écrit valait le coup. Ok. Avant de pouvoir me projeter dans quoi que ce soit d'autre. Ok. Donc, pour toi, ça s'arrêtait à celui-là? Parce que j'avais envie de le faire, j'avais vraiment ce projet, et je me disais, mais à quoi ça sert d'en écrire 10 si à aucun moment quelqu'un me dit que ça vaut le coup? Donc là, c'est le cas. Donc du coup, effectivement, dans ce premier roman, j'ai laissé un personnage un peu, on va dire, sans trop le développer, un peu en retrait, parce que j'ai dans l'idée depuis le début d'en faire un des personnages principaux de ma seconde histoire. C'est en l'occurrence le lieutenant de police, dont on n'a que la vie professionnelle, on va dire, dans ce roman-là. Et mon objectif est de développer sa vie privée. Me suis interrogée. Justement, voilà. Je voulais poser cette question-là, puis j'ai dit, non, ça m'a beaucoup intrigué, justement, qu'on l'effleure. On l'effleure. C'est tout. Et on l'effleure, et j'espère avoir fait passer le fait qu'il a des vraies fêlures. Ouais. Et en fait, dans le second roman, ces fêlures seront au cœur de l'intrigue. Donc, il est en cours de rédaction? Il est au tout début. Par contre, le scénario est bouclé dans ma tête, comme ça a été pour le premier. On va dire 90% du scénario qui sont bouclés dans ma tête. Et je commence à l'écrire tout juste, parce qu'effectivement, maintenant, je commence avoir un peu plus de temps de nouveau, à avoir des retours de lecture de gens aussi qui me donnent des petits conseils, des petites choses. Et qui te motive aussi, peut-être. Oui. Alors, j'espère ne pas paraître prétentieux, mais il y a un truc, c'est quand on reçoit un retour de lecture de quelqu'un qui nous dit qu'il a apprécié le livre, qu'il y avait ci dedans, qu'il a apprécié telle psychologie de personnage, c'est un côté extrêmement grisant, extrêmement... c'est une sorte de contentement, je pourrais presque pas décrire, c'est vraiment pas de la prétention, c'est vraiment, ça fait du bien. Voilà, mais j'ai envie de te dire, ne t'excuse pas d'avoir du succès, au contraire, c'est vachement après, bien. Non, succès modéré. Hein, mais c'est vachement bien. Mais du coup, ça fait un bien fou et du coup, effectivement, ça donne envie. Les gens qui nous disent, voilà, je serai au rendez-vous pour un deuxième, il n'y a pas plus beau compliment que... Moi. merci. Est-ce que tu vas faire quelques salons, là, Stéphane, où les lecteurs pourraient peut-être te retrouver? Alors... J'ai candidaté au Salon de Nancy et je croise les doigts de pouvoir être sélectionné, mais bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, donc on verra bien. Bon. J'ai candidaté au Salon de Mulhouse, au Festival Sans Nom, mais pareil, beaucoup de concurrence, donc je croise les doigts de pouvoir rencontrer mes lecteurs à l'un de ces salons. Ah, ce serait chouette. Très chouette, ouais. Bon, on va faire une dernière coupure musicale avant le caprice de la semaine, à tout de suite. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man, I should've listened to the back then. And now you're tryna hit me up again. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I changed with a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Caprice de lecture sur Fadjet. De nouveau ensemble pour cette dernière partie d'émission de Caprice de lecture, où Stéphane Schmucker va nous faire part de son caprice de la semaine. Stéphane, c'est à toi, on t'écoute. Alors, Caprice de la semaine, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, ou assez longtemps, de David Fuenquinos, qui s'appelle Le mystère Henri Pic. qui en fait m'a beaucoup plu. Alors pour une raison, tout de même, c'est que c'est un des rares livres qu'on a lu en commun avec ma femme. Donc on a pu en discuter, voilà. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que j'ai trouvé que bon, alors déjà, bon, il a un style, il écrit extrêmement bien. Et puis j'ai, en fait, moi qui lis beaucoup de policiers, j'ai adoré le côté. Il y a une enquête au cœur du livre, mais c'est une enquête qui n'est ni sanglante, ni violente, ni agressive. Il n'y a pas de voilà. C'est en fait l'histoire vraie d'une librairie où il y a un rayon en je crois que c'est en Bretagne. Bretagne. Donc c'est en Bretagne et il y a un rayon des soit je sais plus c'est livres oubliés ou livres non édités. Enfin oui. Bon, voilà. Donc c'est des manuscrits qui n'ont jamais été publiés. Et c'est je crois que c'est une libraire, ouais, une éditrice, qui décote un manuscrit, en fait le lit et elle le trouve fabuleux. Et quand elle essaye de rechercher qui c'est qui a écrit ce manuscrit oublié, en fait elle se rend compte que c'est un personnage qui a priori n'aurait pas pu écrire un livre, parce que a priori il n'en a pas l'étoffe. Donc il y a toute une enquête autour de ça pour savoir qui est cet auteur, qui a réellement écrit ce livre. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux parce que dans la construction, il est assez magnifique. Voilà. Et il avait été porté au cinéma. Oui. Avec, dans le rôle principal. Lucchini. Merci. Voilà. Fabrice Lucchini. Voilà. J'avais beaucoup aimé aussi parce que. Enfin, je ne sais pas si toi tu fais comme ça. Moi, je ne regarde jamais les films qui viennent de livres. Alors, par exemple, fais peu parce qu'on est parfois déçus. On est très déçus. Et si j'ai vu le film avant d'avoir lu le livre, je ne lis pas le livre. Voilà, parce que en fait, j'arrive pas à faire la concordance dans ma tête et on est souvent déçus. Voilà. D'accord. Eh bien, c'était Caprice de lecture en présence de Stéphane Schmucker, dont je vous rappelle le titre de son premier roman, L'ombre du funambule, édité aux éditions des Nouveaux Auteurs et qui a reçu, pour le coup, en 2021, le coup de cœur du jury du prix du suspense psychologique. J'ai été ravie. Merci beaucoup, Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Franchement, c'était super de pouvoir parler de mon livre et de m'avoir reçu. C'était vraiment très sympa. Bon, eh bien, merci. À très bientôt pour de nouveaux partages. Au revoir.